y a des mots qui tombent comme la grêle. Il y a des pingouins qui mangent un bout de mes pieds. Il y a des enfants qui vivent là mon nombril. Il y a des steaks saignants qui poursuivent en justice. Il y a des analphabètes qui savent pas lire. Il y a des manches à balai en styrofoam. Il y a des orignaux qui lisent du mot d'air. Il y a des souffleuses qui vont dans le marche. Il y a des vidanges qui sortent de ma bouche. Il y a des boutons qui coûtent des QS. Il y a des fileurs qui construisent des rails. Il y a des téléphones qui sortent de la mer. Changer le cours.